Salut. Je m'appelle Martin, j'ai 29 ans. Je suis parti il y a 3 mois, 5 jours maintenant, de chez moi en France, et je suis actuellement après Istanbul, entre Istanbul et Ankara. Je m'étais déjà enregistré il y a un petit bout de temps. Sur l'instant, et là j'ai envie de le refaire sur l'instant parce qu'il m'est arrivé des trucs un peu fous là c'est les deux derniers jours, et je trouvais ça plutôt marrant. Je me suis dit, tiens, c'est le genre de truc qu'il faudrait peut-être que je mette en mémoire quelque part. Je me suis dit que l'audio, ça pouvait être une bonne manière de le faire. On m'a bouffé mes écouteurs, j'en ai racheté, je les ai perdus, j'en ai racheté, ils ont pas de micro. Donc là, j'ai posé mon portable dans ma pochette, devant mon guidon. Je sais pas trop ce que le son va donner, mais bon, on verra. Il y a deux jours, le 3 août, c'est un jour dont je me souviendrai. Je suis en train de pédaler, donc il y a beaucoup de voitures. Et ça va klaxonner forcément, parce que ça klaxonne beaucoup ici. Donc le 3 août, c'est un jour dont je me souviendrai. En termes d'émotion, il était pas mal celui-là. Et le 4 aussi d'ailleurs. Le 4 qui en découlait du 3. Je suis parti le matin à 7h de la ville de Bolivia, je crois. Pour 80 km de vélo à peu près. J'avais pas prévu où j'allais m'arrêter, mais bon. Je voulais arriver à la ville de Gaivé. Et que j'ai réussi à atteindre aux alentours de 18h. Non sans encombre. Pour la première fois depuis le début, j'ai un peu perdu mon sang-froid dans cette journée-là. À cause des klaxons des voitures qui me font une tête folle. Une tête comme un gros char, comme on dit. Et du coup, je me suis énervé. Mes voitures me klaxonnaient et je gueulais tout seul sur mon vélo. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est ridicule, parce que même si ça marche, même si le mec se dira, j'aurais peut-être pas dû le klaxonner, il est tout seul. Tous les mecs derrière qui vont me redépasser, ils savent pas, donc qu'on peut pas éduquer une culture. Il faudrait qu'on soit 10 millions à vélo pour dire stop, mais là, moi tout seul, j'ai aucun effet. Donc j'ai perdu quand même plusieurs fois mon sang-froid dans la journée. Ensuite, j'en rigolais quand je prenais conscience de à quel point j'avais gueulé, j'en avais même mal à la gorge. Ce qui me font peur en fait, ça fait super peur, hein. Un mec qui te klaxonne à 2 mètres, qui te dépasse à 90, et qui bip bip bip bip. Moi, ça me fait super peur, je suis tout seul sur mon vélo. Après, je dois gérer ça tout seul. Lui, il est dans son petit cocon de voiture. Il est tranquille. Alors la plupart du temps, c'est pour avertir, de temps en temps c'est pour t'encourager. J'arrive à discerner les émotions à travers le rythme du klaxon. Un bip bip bip bip bip, c'est encouragement. Un bip, c'est pour dire attention, je suis là. Et puis un bip bip, c'est pour dire t'es trop sur la route, ou un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était le coup des klaxons. Ensuite, ouais, il m'est arrivé 2-3 bricoles, plutôt sympa. Je me suis fait payer beaucoup de chai, hein. C'est impressionnant. Autant en France on boit du café, mais eux, c'est n'importe quoi. En fait, ils ont des cafés, ils ont des bars, quoi, où ils boivent que du chai. Il y a que ça en fait, tu peux rien prendre d'autre. Et c'est partout pareil, dans toute la Turquie. Ils boivent que du chai, c'est un thé noir qui est assez fort. Ils le mélangent toujours avec un ou deux sucres, ça dépend des mecs. Il y a un petit débat ici, un ou deux sucres. Et puis, c'est super bon. Et ça a la particularité, en fait, dans les grosses chaleurs, de t'éviter de trop transpirer et d'accepter de supporter mieux la chaleur. Et j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que moi, ça m'aide. Alors là, il y a un quart d'heure, je viens de m'arrêter dans une boulangerie. Bon, alors déjà, le mec, je voulais prendre deux simites, c'est des pains locaux ronds. en forme un peu de donuts, mais beaucoup plus fin. C'est très bon, c'est très sec, mais c'est très bon. Avec des graines de sésame dessus. Et là, je suis en pleine montée, alors je souffle un peu. Et donc, bon, déjà le mec m'a offert les deux simites. Ensuite, j'ai dit que je voulais prendre un autre pain, il me l'a offert. Puis ensuite, il m'en a remis un qui fait à peu près 1,5 kg. J'ai essayé de lui dire non, mais. Il m'a dit si, tu peux le garder. Mais moi, je lui ai dit non, mais j'ai une montée là. Mais bref. Comme j'ai décidé de jamais dire non, et ben, je l'ai pris. Et donc, ils m'ont offert un chai. Une fois de plus, de toute façon, n'importe où tu t'arrêtes, ils t'offrent un chai. Donc le mec s'était commandé un chai, le mec l'a apporté. Parce qu'il faut savoir que dans toutes les boutiques, ils n'ont pas de chai. C'est toujours le mec qui traverse la rue. C'est trop marrant à voir. Il traverse la rue avec son plateau. Et il est vraiment dans le trafic avec son chai tea. Faut l'imaginer, ça donne entre les voitures. Et il va porter son chai à la boulangerie d'en face. Donc, ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas un chien mort ici, putain. Ah, il me dégoûte. Les pauvres. Faut voir. Ah, ça pue. Oh! Putain! Le chien éclaté, il y a les boyaux qui sortent, la gueule ouverte, les mouches dessus. Ah, ça me dégoûte. C'est... Ah, ça... Ah. Ah, putain. Ah, c'est horrible cette odeur de mort. Ah, putain, ça sent encore. Ça va un peu mieux. Ah, brrr. Ah, ça c'est pareil, il y en a partout, des chiens errants, c'est... ils se font dégommer, ils se font tuer. Putain, l'autre jour j'ai voulu. Ah, le flip quoi. Donc le 2, juste avant le 3. La journée que je vous raconterai, ça va prendre du temps, disons, si j'en suis qu'à là. Et le 2, j'ai... juste avant d'aller dormir, je vois des mobilhomes, un peu des. Comment on dit? Ouais, des trucs de chantier quoi. Et donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être des toilettes, je vais voir. Et j'ouvre la porte. Et là, je vois un putain de chien mort, un truc monstrueux. J'ai eu trop peur qu'il soit vivant et qu'il me saute dessus. Et il a pas bougé, donc visiblement il était mort. Alors imaginez la scène à 21h, il commence à faire nuit. Tu ouvres la porte et tu vois la gueule d'un chien ouverte, allongé, mort. Ouais, ça fait vraiment flipper quoi. Bref, revenons-en à nos moutons, à nos chai. Donc voilà, beaucoup de chai. Et une journée du 3, ça commençait par perte de mon sang-froid à cause des klaxons. Puis reprise de conscience où je me marrais un peu de moi-même parce que je gueulais un peu dans le vent en fait. Ça sert à rien, mais bon, ouais, je gueulais quand même. Et ensuite, donc je mange plein de chai. L'après-midi se passe, je me fais un pot de chien, je m'arrête pour regarder ma route. Il y a un chien qui vient me voir, je lui fais une gratouille sur la tête. Alors là, ouais, tu fais ça, un chien abandonné en fait, il te lâche plus quoi. Donc il m'a pas lâché pendant plus de 3 km, je pense. Il court avec moi sur la route, il me passait devant le vélo, il comprenait pas, enfin, il a pas l'habitude quoi. Donc, un peu insupportable, mais bon, c'était marrant. Je l'ai surnommé Billy. Billy le chien. Et je cherche un endroit pour dormir, je demande à une maison, je sens que je gêne les gens. Donc j'abandonne, je repars. Le ciel était menaçant, donc je cherchais quelque chose de couvert en fait pour mettre ma tente ou juste mon matelas. Et là je vois une cabane de berger ou de maraîcher, je sais pas comment on dit, il y a beaucoup de champs de légumes et de fruits ici, là où je suis. Donc je rentre, je lance mon petit Meraba. Voilà, ça c'est des klaxons particuliers. Et je lance mon petit Meraba, c'est le bonjour local. Et là sort de la porte une bête, un chien errant une fois de plus, un monstre. Ils sont très très gros les chiens ici, un monstre d'un mètre cinquante, c'est arrière à un mètre, j'exagère peut-être. Et là il me voit, il se stoppe. Je fais un pas en arrière sans lui tourner le dos. Et là il commence à rugir, à grogner, à aboyer de toutes ses forces et à se lancer dans une course au galop en plein dans ma direction. Et là, je sais pas, je pouvais pas courir, mon vélo était trop loin, de toute façon, vu mon barda, de toute façon il court plus vite que moi en vélo, même si je vais à fond, même en descente je pense. Donc, oh putain, je vois la montée que je vais me faire là, je vais pas rigoler, je fais un col de 800 mètres là. Je suis parti de 100 mètres, et là je suis dans la montée. Bref, et donc le chien me court dessus. Ah, il était prêt à me bouffer là, je pense que j'aurais pas été bien. Et j'ai eu un coup d'instinct, d'un coup ça a un peu défilé dans ma tête. Je sais plus bien comment ça s'est passé, mais bref, j'ai repensé à un vieux qui m'avait dit... Putain, je suis désolé pour les voitures. Au vieux Daniel de 68 ans. J'avais rencontré 5 jours plus tôt, avant Istanbul, qui m'avait dit ouais apparemment faut leur jeter des cailloux. Vieux Daniel d'ailleurs qui faisait Italie-Jérusalem en vélo en plein mois d'août. 68 ans. Plutôt costaud mec. Et donc de toute façon c'était ma dernière chance. Le chien était plus qu'à 5 mètres de moi donc je pouvais plus rien faire, il allait me croquer. Je me baisse pour prendre un tas de cailloux qui s'avérait être une poignée de terre. Il n'y avait que de la terre. Je m'accroupis sans me quitter des yeux. Et là le chien a complètement flippé. Donc comme quoi ça marche. Et il a mis la queue entre les jambes, il a fait demi-tour. Enfin pas demi-tour, il a pris sur la droite. Et là il a vu Billy. Et Billy je me suis dit qu'il était peut-être là pour ça. Parce que pauvre Billy, il s'est fait niaquer, croquer au cou par ce monstre. Billy qui était un chien. Je pense dans la hiérarchie des chiens, un peu peureux, un peu de sous classe. Parce que Billy, il a pas essayé de se défendre, il a couru, il s'est fait croquer, il a recouru. Et moi, en fait, ça m'a perdu. En fait, il a couru à la direction opposée d'où on venait. Enfin, il est revenu sur ses pas, quoi. Enfin, d'où on allait plutôt. Direction opposée d'où on allait, donc il est revenu sur ses pas. Et il a couru en cette direction, ce qui m'a permis, moi, de reprendre mon vélo pendant que le chien enragé courait après Billy. Voilà. Donc un 3 août dont je me souviendrai. Et là vous vous dites, non mais attends, c'est pas non plus ouf comme histoire, on a déjà vu des mecs qui ont failli se faire croquer par un chien. Mais attends. Je continue ma route. J'arrive à Gaivé finalement, là, dans la ville en fait. Et là je me dis, bon dernière chance, je vais tout de suite trouver un jardin ou un mec qui me... Je sais pas, qui me donne un champ ou un... bout de garage. Premier mec que je croise, je m'arrête, il avait l'air plutôt sympa. J'essaie de croiser des regards, faire des sourires, et là lui, bon, ça s'est passé comme ça, il me paraissait bien, jeune, mon âge. Je m'arrête, je lui demande, je lui explique mon problème, comme je peux, parce qu'il parle pas anglais, ni français. C'était un Afghan, qui était là depuis 7 ans, en Turquie. Et je lui explique mon problème, il me dit oh, tu peux dormir chez moi, viens, je t'emmène. On va dormir chez moi. Ah, il y a plein de voitures. Un bus. Voilà, je les reconnais au son maintenant. Ouais, je savais que c'était un Mercedes. Ok. Il m'emmène chez lui, super sympa. Il me propose une douche, je prends une douche. Là, moi, en bon français, je me dis, allez, je lui paye une bière. Et alors, je lui demande déjà s'il boit de la bière, parce qu'ils en boivent pas tous, mais bon, ça, c'est des conneries, en fait, ils en boivent tous. Je bois de la bière, donc on va pour prendre une bière, on marche un quart d'heure. Donc je paye ma bière, déjà il me demande, il me dit donne-moi l'argent, moi je vais payer les bières, c'est plus simple en turc. Je lui fais non, non, il insiste, je lui dis non, non, c'est moi qui paye. En fait, ils voulaient juste prendre mon argent pour payer pour que ce soit plus simple. Mais moi, je trouvais ça bizarre. Je confie pas mon argent quand même. Hein. On sait jamais. Mais bon, bref, on boit une bière. Enfin, on achète une bière. Il m'emmène derrière la boutique en mode on va se cacher. Et lui, il boit sa bière comme un shot. Donc lui, il a pris une espèce de vieille Amsterdamer à 8% là. Et il se l'est faite en mode shot quoi, comme une drogue en fait. Et moi j'en étais pas à ma deuxième gorgée quoi. Donc assez bizarre. On n'a pas la même définition de profiter d'une bonne bière. Là on était derrière, assis sur un bout de. Moi sur le béton. Lui sur un petit. Un bloc de béton, oui. Enfin, bref. Et voilà. Nous voilà repartis. Donc moi je finis assez rapidement ma bière, du coup j'étais un peu gêné, je l'ai même pas fini en fait. J'étais mal quoi. Et nous voilà repartis, et sur le chemin du retour, on croise un pote à lui, Samet, qui nous rejoint, qui se joint à nous et qui vient à la maison un quart d'heure, puis il repart. Le Samet là. Moi je propose, il fallait que je mange, je propose à Haïdar qui était mon invité, enfin, mon hôte, de lui faire à manger, donc il rechigne pas, je sentais que l'alcool avait fait effet sur lui, c'était plus le même qu'au début, c'était assez bizarre, mais bon, peu importe, je lui dis ouais je t'ai fait à manger, donc il rechigne pas, il fait un bon couscous avec ce que j'avais. Des courgettes, des oignons, des poivrons, tomates, ail, voilà, et du couscous. Ça fait un couscous quoi. Et voilà, et ses potes reviennent. Donc le Samet il revient avec son cousin, je sais pas quoi. Et là ils me disent Martin, viens, on part, viens avec nous. Je fais bah non, moi je reste ici parce que j'attends un truc, un appel de ma copine, j'ai besoin d'internet. Non, tu viens avec nous. Ils insistent, je dis non. Et ils insistent, ils me disent non, mais c'est 5 minutes. Je fais ok. Et donc là, on arrive, en fait, on va en face, à 100 mètres de chez lui, un autre magasin de bière. Et là, ils commencent à me demander de l'argent pour acheter des bières. Je dis non, mais moi, je veux pas de bière. C'est bon. Achetez-en si vous voulez, moi, j'en veux pas. Et là, ils insistent, 5 minutes, ils voient que je décroche pas. Moi, je dis non, j'en veux pas. Et en fait, je faisais. À moitié mine de pas comprendre, en même temps je comprenais pas pourquoi il me demandait de l'argent alors que je voulais pas de bière. Donc je trouvais ça bizarre. Mais bon, ils achètent leur bière, ils en achètent 4 quand même. 3 en grande canette et une petite. C'est bizarre. On rentre à la maison, on s'assoit dans le salon. Et là pareil, ils continuent leur speech en mode il faut que tu nous donnes de l'argent. On fait 50-50 pour les bières. Je dis bah non, je vois pas pourquoi je donnerais de l'argent. J'en prends pas. Et on faisait ça un peu avec le Google Translate. Ça donnait des trucs un peu bizarres. Mais bon. Hyper insistant les mecs. Hyper insistant, hyper gênant. Et est-ce que ça enregistre encore? Oui. Hyper insistant, putain, 18 minutes. Hyper insistant, hyper gênant. Sauvé par le gong au moment où Google Trad me traduit un truc du genre pèlerin, c'est ça, pèlerin virgule, si t'es pas capable de faire ça en rentrant ton pays natal, t'as rien à foutre ici, un truc comme ça hein, tu vois. Donc là j'étais vraiment avec un Afghan de Turc dans un boui-boui au milieu de la Turquie et je commençais à me faire insulter avec des mecs qui fumaient, qui buvaient et je sentais l'alcool monter en eux. Je pense qu'ils n'ont pas bien l'habitude en fait de supporter l'alcool. Je sais pas. Parce que l'alcool est pas. Il est un peu cher ici. Donc je sais pas. Enfin pour eux en tout cas. C'est quoi? C'est 2,50€ une grande canette, mais bon. C'est le prix de. Ouais, d'un paquet de clopes. Ouais, bon. C'est pas donné. Sachant que le SMIC est à 300€. Manon m'appelle, donc là un peu sauvé par le gong, ça me permet de de me libérer et de quitter la pièce. Je vais sur le perron de la maison pour discuter avec Manon. Pas bien, un peu inquiet, un peu angoissé. Je continue à discuter. Là, il y a Haïdar, mon hôte, qui vient s'accroupir devant moi. Et il me regarde, en fait, téléphoner. Je trouve ça bizarre, mais... Depuis le début de la soirée, en fait, dès que je prends mon portable, il regarde ce que je fais, il est interloqué. Je me suis dit, ouais, ça doit être sa culture, j'en sais rien. Donc je prête pas attention, il est vraiment à moins d'un mètre de moi, il me regarde dans les yeux en train de téléphoner. Mais je prête pas attention. Je dis juste à Manon, en français, pendant qu'il était là, je dis, putain, c'est bizarre, il me regarde là. Il est à un mètre. Bref, voilà. Et je sens quand même qu'il se passe des trucs chelous derrière moi. Et en fait, après, je me suis dit que c'était peut-être pour me détourner l'attention parce que. Quand je suis retourné dans la maison, par un peu réflexe, je sais pas pourquoi, je suis allé voir dans mon vélo s'il y avait encore mon appareil photo dans la pochette qui est accrochée à mon guidon. Et là, plus d'appareil photo. Sachant qu'avant d'aller appeler Manon, j'avais refermé cette pochette, je sais pas, pareil, par réflexe. Donc là, petit haut les cœurs quand même, un peu flippé. Je vais dans le salon, je dis les gars, caméra. Caméra, c'est le mot turc. Et là, j'ai les trois loulous, surtout un des invités, celui qu'on avait rencontré dans la rue en premier, qui se lève et qui commence à me gueuler dessus en turc. En mode qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? T'es qui? Ouais, je sentais des trucs, enfin, je traduis ce que j'ai ressenti parce que je comprenais pas ce qu'il me disait, mais c'est un fou quoi. Je disais, rendez-moi ma caméra. Et là, il continuait, il cherchait à me rabaisser, machin. Et les deux autres se sont levés en disant « Non, c'est pas nous, machin, qui se croit ?» Et là, moi, j'ai piqué un crise de panique, un peu. Une petite crise de panique. Et je suis allé me réfugier dans la cuisine et me blottir un peu. Et je me suis mis à transpirer et à trembler. Et là, j'ai senti que ça faisait un effet sur eux. Genre, ils ont commencé à avoir peur. Et je buvais de l'eau et j'essayais de respirer fort. Et donc, plus je faisais ça, plus ils commençaient à me mettre les mains sur l'épaule, ça va, machin. Et là, je me suis dit, vas-y, go. Et là, je me suis mis à trembler comme un ouf. Genre, convulsion, pardon. Donc là j'en rajoutais un peu et je prends mon portable et je traduis j'ai des problèmes de santé, il faut que je reste calme, il faut que j'ai de l'air. Et j'ai sorti cette phrase et en moins d'une minute j'avais la caméra entre les mains. Je me suis un peu calmé, donc la preuve qu'il me l'avait bien volé. Là je me suis un peu calmé et là j'ai dit ok, je vais partir, rendez-moi mon enceinte parce qu'ils avaient pris ma petite enceinte pour écouter de la musique. Pas de problème, je leur ai donné. Et rebelote. Quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? On n'a pas ton enceinte, nanana. Et moi, rebelote, là, pour le coup, j'avais plus besoin de faire semblant. Là, j'étais vraiment en stress. Là, j'ai vraiment... Ils fumaient à côté de moi, les trois. Ils me soufflaient à moitié dessus. Faut voir la scène de film, quoi. J'étais bloqué au fond d'une cuisine en long. Mon vélo dans la cuisine qui m'empêchait de... Tout le monde de bouger, quoi. On avait rentré le vélo dans la cuisine avec tout mon bardac, une cuisine toute petite et trois loulous qui m'expliquent des trucs en turc machin. Oh, j'étais pas bien, ça sentait la clope, j'arrivais plus trop à respirer et là il y a le leader, celui que j'appelle le leader, qui a commencé à s'énerver. Il se pense que l'alcool montait de plus en plus et il devenait de plus en plus fou. Et il commençait à s'énerver. Et là, je sentais que moi, j'étais vraiment pas bien. Et là, il y a son pote Haïdar, donc mon hôte, qui l'a pris, qui l'a emmené dans le salon et qui l'a calmé. Pendant ce temps-là, le troisième, il m'a pris par le bras assez brusquement. Donc moi, j'ai flippé encore une fois. Et là, il m'a regardé, il m'a fait des yeux un peu doux, en mode « Fais-moi confiance ». Je viens dehors, fais-moi confiance. Ouais, j'étais pas contre à aller dehors. Et là, il me demande de le suivre dehors, mais assez, pour faire le tour de la maison. Et moi, je voulais pas, je voulais rester. J'ai pas près de mon vélo, j'avais peur, toutes mes affaires étaient là. Il me demande de sortir Google Trad, il me dit crois-moi. Donc je le crois. Il m'emmène jusqu'à un scooter. Il me fait sortir Google Trad, il me dit. Et là il me dit c'est pas moi qui ai fait ça. Et là il me sort l'enceinte. Qui était dans le scooter. Il me fait un câlin, il me dit je suis désolé, nanana. Lui il était plus dans le mode émotion. Il était à moitié désolé que son pote prenne le lead. De toute façon c'était le leader qui faisait le lead. Et les deux autres moutons qui s'écrasaient disaient rien. Et je retourne à la maison. Je mets l'enceinte dans la pochette derrière. À l'arrière de mon vélo. Donc à un autre endroit. Je retourne dans le salon. Désolé. Je retourne dans le salon. Et là j'explique à Haïdar, mon hôte, que je vais partir. Que maintenant il faut qu'il me laisse partir. Et là il y a l'autre fou qui revient avec l'enceinte entre les mains. Donc il avait refouillé dans mon sac en me disant tu vois elle est là ton enceinte espèce de con. Voilà, donc il continue à faire le bonhomme quoi. Et là je retourne dans la cuisine pour faire mes affaires. Là il me bloque. Et là il commence à me réclamer de l'argent. 200 télé, ce qui fait 36 euros. J'ai calculé. Ils me réclament 200 télé, ils me disent si tu nous donnes 200 télé, moi, enfin, le leader et son pote là, le gentil, on s'en va et comme ça tu peux dormir ici avec Haïdar tranquille. Et moi je négocie, je fais non, je vous donne 200 télé parce qu'apparemment, tout ce qu'ils voulaient c'est de l'argent. Puis là j'en avais plus rien à foutre moi, j'aurais pu donner tout ce que j'avais. J'avais pas beaucoup plus, je devais avoir 500. Et je dis c'est moi qui m'en vais. Et je crois comprendre qu'ils disent ok. Je donne les 200. Au moment où je sors mon portefeuille, j'ai dit mes rabats et des. Ça fait des rabats, mais non. J'ai des rapaces, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui regardent sur mon portefeuille combien j'ai de l'argent. Ils voient que j'ai d'autres billets. Moi, ils disent rien, ils prennent les 200. Et le leader, là, je crois qu'il les met dans sa poche. Ça, j'ai jamais su qu'il l'avait pris. Mais... En tout cas, le leader en a mis au moins 100 dans sa poche. C'était deux billets de 100. Ni une ni deux, je mets mes mains sur un vélo pour ranger des trucs. Et là, j'ai une main qui s'agrippe à mon bras et qui me dit « Pah ! Tu restes ici, tu dors pas. Tu dors là, pardon. » Là, j'ai stressé. Et là, il y a mon hôte, Haïdar, qui a pris mon vélo. Il l'a emmené dans sa chambre. Et moi, je tirais sur mon vélo. Je dis non, je m'en vais. Il a pris mon vélo, il me l'a arraché des mains. Il l'a mis dans sa chambre. Il a pris toutes mes affaires. Il a tout balancé dans sa chambre. Et là, il m'a montré la clé. La clé de sa chambre. Et j'ai cru comprendre, je sais pas ça. En tout cas, j'ai cru comprendre en mode, tu dors là, avec ton vélo. Et genre, je t'enferme, quoi. Et là, moi, paniqué, quoi. Enfin, faut voir dans l'état où j'étais. Et j'essayais toujours de parler très calmement pour qu'ils... Parce que je savais que si je m'énervais, ils allaient prendre le dessus. Donc je suis toujours resté très calme et paniqué de toute façon. Mais pas dans la défensive, plus dans la complaisance. En mode, les gars, je vous comprends. Vous êtes stupides, mais je vous comprends. Et bref, ils me montrent la clé. Je me tourne vite fait vers la porte et je dis... Et je vois en fait dans l'interstice de la porte que... Donc la porte est fermée, mais pas le loquet. Donc je pouvais ouvrir la porte d'entrée pour sortir. Et là, je commence à dire, faut que je prenne l'air. J'ouvre la porte et je tape un sprint des familles. Donc là, je m'échappe de mes bourreaux et des gens qui allaient me séquestrer. Donc faut voir le sprint. Et là, scène de film, hein, je suis au milieu de la route. Il y a des voitures qui arrivent. Et moi, bah, je me mets au milieu de la route. Les voitures sont obligées de s'arrêter. Et le temps que je fasse, que j'aille juste voir le conducteur, en fait, eux, ils flippaient. Donc ils réaccélèrent comme des brutes pour pas que je leur dise... Enfin, ils avaient trop peur que je les vole leur voiture ou je sais pas quoi, deuxième voiture, pareil. Donc là, changement de stratégie. Je cours en sprint jusqu'à jusqu'au prochain bar. Et bizarrement, en fait, ils m'ont pas suivi. Je sais pas. En fait, je crois que je suis sorti calmement et ensuite j'ai couru. Donc, je pense qu'ils pensaient que je prenais l'air. Tant donné que depuis le début de la soirée, il fallait que je prenne l'air. Et là, je cours au prochain bar. Je slalom entre les tables de la terrasse et je rentre dans le bar. Et là, je vais direct le plus au fond du bar, je chope un serveur, je lui dis help, help, help, je l'emmène dans les toilettes, et il me dit ouais, toilette, toilette, toilette. Et moi, j'étais en panique. Et je lui ai dit non, non, pas toilette, help, enfin, je sais pas comment, je sais plus ce que j'ai dit. Et putain, ça monte. Il fait plus de 30 degrés, et ça monte. Je vais boire un petit coup quand même, parce que ça a soif de parler. Et là, alléluia, ce qui arrivera jamais en Turquie, un mec parle anglais. Je lui explique ma situation. Donc il vient me voir, je me cache un peu, il vient me voir. Et là, il me demande de lui expliquer. Et il a appelé la police. Voilà, j'étais un peu déjà libéré, mais extrêmement flippé que les mecs arrivent. Voilà, quand même. Donc je continue à me cacher. Et là la police arrive. Ils me demandent de leur expliquer. Ils me demandent de retourner à la maison. Et moi j'ai dit non, je veux pas retourner. Là-bas c'est mort. Je veux pas les voir. Bon ils insistent, ils s'inquiètent. Ils montent leur flingue. Bref. Police. On retourne à la maison. Ah, la maison elle s'était rangée, aérée, lavée. Mon vélo était re à sa place dans la cuisine. Mais pas mes affaires, pas mes affaires. Et les flics me demandent de reprendre toutes mes affaires, mon vélo et de les suivre jusqu'au commissariat. Ah oui, les deux loulous étaient partis, il restait plus que l'autre. Et les deux loustiques étaient partis. Donc je sais pas. Ça parlait en turc tout le long. Je pouvais pas dire grand chose. Voilà. Et nous voilà partis à la police. Et la suite au prochain épisode. Là je vais prendre un peu de pause. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Ce qui se passe le 4, donc le jour d'après, et toute la nuit, c'est assez marrant. À toutes.